Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, dernier épisode de notre série Quitter le pouvoir, François Hollande ou le départ inédit, le renoncement. On avait imaginé tous les scénarios sous la Ve République, mais assurément pas celui-là. En 2012, lorsqu'il conquiert le pouvoir, c'est le récit d'une normalité qui rassure, après un président trop bling-bling, trop marqué par les affaires judiciaires. Mais très vite, dès le mois de juin, le président discret, cohérent par rapport à ce qu'il avait annoncé, est agoni par la presse sur le thème « président absent, président transparent », cette même presse qui en majorité l'avait encensé pour son côté « normal ». Et les 5 ans de son mandat seront à l'avenant, comme plombés dès le départ, mais assortis d'une circonstance aggravante, les erreurs de com, dévastatrices. Un scooter dans la nuit, l'amertume vengeresse en plein jour d'une campagne où compagne est conduite comme une domestique, le piège tendu par une réfugiée kosovarde, un ministre du budget qui planque de l'argent à l'étranger, une partie des députés socialistes qui lui savonnent la planche pendant 5 ans, des confidences décalées à 2 journalistes, et pour couronner le tout, l'empêchement de briguer un 2e mandat, la curée. Autant d'éléments qui risquent d'occulter le bilan du président Hollande. Redressement économique, attitude très présidentielle face aux attentats de 2015 et surtout le mariage pour tous, grande réforme de société, de celle qui marque l'histoire d'un pays. Notre invité aujourd'hui, le journaliste Serge Raffy, rédacteur en chef au Nouvel Observateur et auteur de 2 biographies de François Hollande. Affaires sensibles, l'émission de France Inter, récit documentaire Bettina Lioret, coordination Christophe Barrère, réalisation Flora Bernard. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Premier décembre 2016, 19h55, Élysée. Dans un couloir du palais présidentiel, François Hollande relit une dernière fois son discours. En relevant la tête, il constate la mine accablée de ses conseillers. Bientôt, il sera impossible de faire marche arrière. Le président leur lance un sourire rassurant, puis se place derrière la porte du studio et attend patiemment le signal. Dehors, c'est l'effervescence. Depuis des semaines, toute la classe politico-médiatique spécule sur les intentions de François Hollande pour la prochaine présidentielle. Et si tout porte à croire qu'il sera, comme ses prédécesseurs, candidat à sa réélection, son impopularité record menace de tout chambouler à quelques mois du scrutin. Relégué dans les sondages à la 5e position, le voilà tout président qu'il est derrière François Fillon, Marine Le Pen et même Emmanuel Macron, qui s'est déclaré candidat 15 jours plus tôt. Les Français semblent avoir décrété une sorte de TSH, tout sauf Hollande. Pourtant, les résultats sont là. Déficit public, compte de la sécurité sociale, taux de marge des entreprises, création d'emplois, croissance, tous ces voyants sont passés du rouge au vert au cours de son mandat. Mais c'est Emmanuel Macron qui ramassera la mise. Or, depuis l'apparition de ses confidences retentissantes à 2 journalistes du Monde sous le titre surréaliste « Un président ne devrait pas dire ça », le chef de l'État a perdu tous ses derniers soutiens. Pire, il s'est créé de nouveaux adversaires, comme son ancien Premier ministre, Manuel Valls, qui menace désormais de se présenter contre lui. Mais en cette fin de journée du 1er décembre 2016, et malgré ce contexte pour le moins défavorable, dans les rédactions comme dans l'hémicycle, on reste persuadé que le président finira par annoncer sa candidature, comme l'ont fait tous ses prédécesseurs avant lui, au cours des 60 dernières années. Et puis, Hollande n'est pas du genre à se déclarer vaincu. N'avait-il pas commencé sa longue route vers l'Élysée à 3% dans les sondages 5 ans plus tôt? Pourtant, une oreille attentive aurait pu, à condition de vouloir, deviner ce matin-là les intentions du président qu'il dévoilait à demi-mot dans un discours prononcé aux médaillés des Jeux Olympiques de Rio. C'est vous qui avez été capable de dominer la discipline qui est la vôtre. C'est vous qui vous êtes engagé pendant des années et des années, parfois très jeune, pour aller jusqu'au bout. Et c'est normal que ce soit à un moment, vous, personnellement, qui soyez distingué. Mais en même temps, on le sait très bien, le succès ne se remporte pas tout seul. Il est le produit d'un effort collectif. Pour être un grand champion, une grande championne, il faut être entouré, entraîné, soutenu, accompagné, aimé. Des mots passés inaperçus qui semblent pourtant justifier une décision des plus inattendues, le renoncement au pouvoir. à 19h59. Le signal est donné. François Hollande, impassible, collant un froid comme il sait l'être, passe la porte du studio, bonde sur l'estrade et s'installe à son pupitre face caméra. Ce discours, il le sait, sera l'un des plus importants de sa vie, celui dont on se souviendra. Et là, l'armure se fissure. À 20h, d'une voix étranglée, le regard luisant, il se lance et commence par défendre son bilan, puis reconnaît quelques maladresses. Enfin, il déclare « Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Je le fais en prenant toute ma responsabilité, mais aussi en appelant à un sursaut collectif et qui engage tous les progressistes, qui doivent s'unir dans ces circonstances. Parce que ce qui est en cause, ce n'est pas une personne, c'est l'avenir du pays. » Voilà, ça c'est fait, lance-t-il en redescendant de l'estrade. Et alors qu'il sèche les larmes de ses quatre assistantes et qu'il cherche les mots pour consoler ses collaborateurs, François Hollande pressent déjà la stupeur provoquée par cette décision inédite. Pour la comprendre, comme souvent, il faut remonter le temps, presque 5 ans en arrière, jusqu'au 6 mai 2012. Dernière seconde de suspense sur écran géant. La place de la Bastille s'embrase. Plusieurs dizaines de milliers de personnes rassemblées depuis la fin d'après-midi. Ils sont venus en famille, entre amis, fêter la victoire de la gauche. Une découverte pour certains. On n'a jamais connu la gauche au pouvoir, nous. On est une génération. On a toujours eu la droite au gouvernement. Et là, enfin, on va connaître un gouvernement de gauche. La Bastille, lieu symbolique. Pour certains, 2012 ferait même renaître 81. J'ai l'impression que j'ai rajeuni de 31 ans, quoi, parce qu'il y a 31 ans, j'étais là. Je ressens... La même ferveur, le même enthousiasme et que du bonheur. Quoi. François Hollande tente de se frayer un chemin pour enfin savourer l'instant. Merci peuple de France de m'avoir permis d'être votre président de la République. Neuf jours plus tard, après la passation de pouvoir, François Hollande investit l'Élysée, qu'il a l'avantage de connaître pour y avoir travaillé 30 ans plus tôt, en tant que conseiller de François Mitterrand. Dans le salon doré qui sert de bureau au chef d'État, il retrouve les murs recouverts d'or, la cheminée en marbre blanc, la table de réunion recouverte de sa nappe en velours verte. C'est comme si le temps s'était arrêté. En 30 ans, rien n'a bougé. Rien. Sauf peut-être cette photo du second tour de l'élection que François Hollande vient de faire installer au mur et sur laquelle on le voit tout sourire auprès de sa compagne Valérie Ferveller. Quelques livres historiques, une collection de petites voitures. Contrairement à d'autres chefs d'État, François Hollande voyage léger. Rapidement, l'équipe de l'Élysée forme le nouveau locataire au protocole strict qui encadrera désormais son quotidien. Avant d'entrer dans une pièce pour rejoindre un visiteur, il faudra attendre d'être annoncé par un huissier aboyeur portant collier. Pour les visites officielles, toujours être entouré de la garde républicaine et au son d'une musique martiale, s'il vous plaît. Au Conseil des ministres, le vouvoiement sera de rigueur. Les prénoms seront bannis et chacun devra s'adresser à l'autre en utilisant son titre. De l'amitié, oui. De la familiarité, non. Bien entendu, le président comprend l'intérêt de maintenir le prestige d'un endroit si symbolique. Mais il faut reconnaître que ça change des banquets où l'on refaisait le monde avec des militants autour de saucisses grillées trempées dans la mayonnaise industrielle. Pour autant, on ne peut pas dire que François Hollande vienne d'un milieu particulièrement populaire. Une mère assistante sociale, un père médecin. Dans ce foyer de la bourgeoisie provinciale, on parle politique. Alors que le général de Gaulle tente de mater la révolte de mai 68, sa mère, catholique de gauche, soutient le Parti Socialiste, quand son père, lui, s'inscrit sur les listes d'extrême droite. Pendant que son frère aîné, Philippe, révise son solfège, François, lui, tend l'oreille aux arguments de ses parents, et il choisit son camp. Mais à 12 ans, il est bien loin de se douter qu'il sera un jour à la tête d'un parti, et encore moins d'un pays, non. Ce qui l'inquiète en 68, c'est que ses parents ont décidé de déménager en région parisienne. Le bout du monde a lieu le copain et le club de foot. Mais les déracinements sont parfois salutaires, comme il l'explique lui-même dans ce portrait diffusé le 7 mai 2012 sur Public Sénat. Comme mes parents avaient déménagé, j'avais 13-14 ans, on est toujours un peu malheureux. Mais ils m'ont rendu grand service aussi parce qu'ils m'ont permis d'arriver à Paris, de faire des études que je n'aurais jamais entreprises si je n'avais pas été sur place. Sciences Po, HEC, l'ENA, le jeune diplômé devient conseiller de François Mitterrand. Une ascension rapide, mais personne encore ne l'imagine un jour à l'Élysée. Il n'est pas tombé dans la marmite en étant tout petit, en disant « je serai président ». Pas du tout. Est-ce que l'ambition, oui, l'ambition, l'envie de progresser, mais François Hollande, c'est quelqu'un qui conduit les choses par étapes. La première de ces étapes, dont parle Michel Sapin dans l'extrait que vous venez d'entendre, amène François Hollande en Corrèze, en 1981, où il est d'abord battu par Jacques Chirac aux législatives, mais où sa personnalité s'affirme. Et quelle audace ! Pendant cette campagne, un soir, il vient perturber un meeting de Chirac, suzerain de la Corrèze, intouchable, inattaquable, et qui avait dit de son jeune challenger socialiste qu'il était encore moins connu que le labrador de François Mitterrand. Eh bien, 26 ans, tout jeune homme, en plein meeting, Hollande dit à Chirac « Je suis celui que vous comparez au labrador de Mitterrand. » Gonflé. Il lui faudra attendre 7 ans pour être élu député, en même temps que sa compagne, Ségolène Royal, puis encore une décennie avant d'être nommé premier secrétaire du Parti Socialiste par Lionel Jospin. Un poste qu'il occupera pendant 11 ans, et qui lui vaudra d'être affublé par les éléphants du PS de surnoms vachards, comme Grand Méchant Mou, Flamby, Fraise des Bois ou, presque drôle si ce n'était si cruel, Guimauve le Conquérant. En vérité, François Hollande est raillé pour sa bonhomie et sa jovialité, mais bien qu'authentique, ce caractère est aussi une façade. Car il a une assez haute opinion de lui-même, une grande confiance en ses capacités, et une dureté qui n'a rien à envier à l'animal politique de base. Certains de ses compagnons de la première heure, jamais récompensés par un portefeuille ministériel, en ont fait la meilleure expérience. Et lorsqu'après avoir dû s'effacer devant Ségolène Royal, il quitte la direction du Parti Socialiste en 2008, c'est pour revenir le plus vite possible sur le devant de la scène, comme l'analyse Serge Raffi dans Public Sénat. Il était fini, c'était un homme fini pour les autres. Et lui, paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'il va se reconstruire. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que la décision de devenir candidat à l'élection présidentielle, elle se prend rarement dans des moments euphoriques. Aminci, déterminé, visiblement épanoui avec sa nouvelle compagne Valérie Trierweiler, François Hollande se lance avant ses concurrents dans la campagne présidentielle dès mars 2011. Et il part de loin, à peine 3% dans les sondages. Mais avec son sourire au coin des lèvres, sa mine réjouie, son ton débonnaire et son sens de l'humour, vif, efficace, il est perçu comme un homme accessible, sincère, à l'écoute, bienveillant. Alors, au cœur de la campagne, il est dans son élément, il ressemble furieusement à Jacques Chirac dans son rapport au peuple. Pour lui, comme le racontera l'un de ses conseillers, Gaspard Ganzer, la conquête du pouvoir, c'est le meilleur moment de la vie politique. Celui où l'on doit convaincre, entraîner, séduire. Et encore une comparaison avec qui vous savez, l'influence de la Corrèze peut-être. L'Élysée est un endroit singulier, un lieu de réception incomparable, un cadre de vie admirable. Soit. Mais le président normal, lui, veut vivre normalement. Alors, il réduit de 30% sa rémunération et celle des membres du gouvernement et de 10% le budget de la présidence. Un dirigeant à la scandinave, république parlementaire en moins. Mais déjà, les critiques pleuvent. Et elles sont liées dès les premières heures à sa manière d'incarner la fonction présidentielle. Comme en témoigne cet extrait du livre « Le deuil du pouvoir, les 100 derniers jours à l'Élysée » d'Alexis Brézé et Solène Droit. Quand en mai 2012, il prend la pose devant l'objectif de Raymond Depardon, il refuse d'être représenté enfermé dans son palais. Il choisit d'être immortalisé dans le jardin de l'Élysée. Jacques Chirac avait fait la même chose, mais avait posé devant la future maison. Pas Hollande. Lui s'est positionné tout au fond du parc, dans l'ombre des grands arbres qui le bordent. Le palais de la grisaille, selon ses propres mots, où il va vivre et présider pendant 5 ans, se devine à peine, très loin derrière lui. Comme une mise à distance, le signe d'un refus d'incarner. Cette vue de l'esprit, ce défaut d'incarnation réelle ou supposée, marquera tout son quinquennat. Dans les notes qu'il griffonne, en vue de publier un jour ses mémoires, il écrit « Le chef d'État doit être tout à la fois lointain mais proche, inflexible mais humain, majestueux mais modeste, mystérieux mais transparent, distant mais abordable. Des injonctions contradictoires qui vont rendre son quinquennat illisible sur la forme. » Surtout lorsque, 2 ans plus tard, on le découvre en première page du magazine Closer, casque sur la tête, le regard amoureux, allant retrouver l'actrice Julie Gayet dans un immeuble de la bien nommée rue du Cirque à Paris. Dans l'actualité aussi, François Hollande étudie les suites judiciaires à donner aux photos publiées aujourd'hui dans le magazine People Closer. Ce journal affirme que le président a une relation avec l'actrice Julie Gayet. À la demande de l'avocat de la comédienne, Closer va retirer l'info de son site internet, mais réaffirme que son information est vraie. Michel Dumoret, François Hollande a réagi à titre personnel sans démentir. Oui, et c'est très tôt ce matin que François Hollande a réagi en tant que citoyen, précise-t-il. Le chef de l'État, je cite, « déplore profondément les atteintes au respect de la vie privée auxquelles il a droit comme tout citoyen ». Il rajoute qu'il examine aussi les suites, y compris judiciaires, apportées à cette parution. Une affaire qui n'est pas de nature à faire remonter sa cote de popularité, qui plafonne à 15%. Le soir même, dans ses appartements privés, il tente de dresser un premier bilan de son action et de comprendre surtout ce qui a pu entraîner un tel divorce avec l'opinion. Si à gauche on salue l'entrée en vigueur du mariage pour tous, on lui reproche sa gestion de l'affaire Leonarda, cette jeune fille rome interpellée à la sortie de l'école, et on réclame qu'il lui accorde, comme promis, le droit de vote aux étrangers pour les municipales. Alors, pour calmer ses détracteurs, François Hollande décide de s'engager publiquement à inverser la courbe du chômage. Ça au moins, personne ne pourra lui reprocher. Mais au fil des mois, l'indicateur ne cesse de s'aggraver. Quant à son pacte de responsabilité, censé alléger de 10 milliards d'euros les cotisations sociales des entreprises, il est largement critiqué par certains députés socialistes qui notent une dérive de la social-démocratie en social-libéralisme. Trop à gauche pour la droite, trop à droite pour la gauche, il déçoit les deux côtés de l'échiquier politique. Et la sanction tombe aussitôt par les urnes au municipal de mars 2014. La droite et l'extrême droite gagnent du terrain. François Hollande n'a pas le choix. Il lui faut remanier son gouvernement et se séparer de son premier ministre, Jean-Marc Ayrault, fidèle, loyal et, contrairement à son successeur, dépourvu de toute ambition présidentielle. Mais les frondeurs sont toujours là. Et François Hollande le sait, ils sont le péril de son quinquennat. D'ailleurs, 5 mois plus tard, 3 d'entre eux parmi les ministres claquent la porte. Et 2-3 ministres qui quittent le gouvernement avec Arnaud Montebourg, donc Benoît Hamon et Aurélie Filippetti. La tête de l'exécutif maintient son cap au prix d'une crise sans précédent depuis l'élection de François Hollande. Caroline Lenkoff-Legintel. Comme à son habitude, Arnaud Montebourg donne le change. Dans son dernier discours, le ministre de l'économie résume son éviction. J'ai indiqué cet après-midi à monsieur le Premier ministre que s'il jugeait que je me trompais, s'il jugeait que mes convictions étaient contraires aux orientations du gouvernement qu'il dirige, dans ce cas, je croyais nécessaire de reprendre ma liberté, tout comme il accepte de me la rendre. La ministre de la Culture annonce ne pas vouloir rester, dénonçant un manque de débat économique et préférant la loyauté à ses idéaux. Dans un troisième temps ce soir, c'est Benoît Hamon, le ministre de l'Éducation, qui, à quelques jours de la rentrée scolaire, annonce son départ du gouvernement. Pour sauver les apparences, on vote la création du premier gouvernement paritaire. Najat Vallaud-Belkacem récupère ainsi l'éducation nationale, Fleur Pellerin, la culture, et Myriam El-Khomri devient secrétaire d'État à la ville. À l'économie, ce sera Emmanuel Macron, secrétaire adjoint de l'Élysée depuis 2012. Un jeune homme qui n'oublie jamais de montrer qu'il est jeune et 2.0. Et ça marche. La sortie tonitruante d'Alain Montebourg est presque oubliée. Le coup de com' est réussi, mais le loup est entré dans la bergerie. Que croyais-tu voir dans la rue quand tu m'as croisé cette fois-là? Que voyais-tu dans mon regard écru? Tu ne voyais que toi là. Que croyais-tu? Que pensais-tu? pensais-tu, que voulais-tu de moi là? Qui pensais-tu, tirer entre deux rues, tirer entre deux beaux draps là? La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. J'ai cru pouvoir le voir moi. J'ai cru pouvoir la saisir en toi. J'ai cru pouvoir le voir moi. J'ai cru pouvoir la saisir en toi. J'ai cru pouvoir le voir moi. J'ai cru pouvoir la saisir en toi. J'ai cru pouvoir le voir moi. J'ai cru pouvoir la saisir en toi. De soir en soir. C'est la première grande image publique d'Emmanuel Macron. Un conseiller de l'ombre, un brin impressionné de se retrouver pour la première fois en pleine lumière. Je peux dire que je suis le premier surpris de ce qui se passe aujourd'hui, ému aussi, je dois le dire. Un tout premier discours public dans lequel il rappelle notamment son passage à Bercy il y a 10 ans en tant qu'inspecteur des finances. Mais Emmanuel Macron le sait, c'est surtout son passé de banquier et son image de libéral qui retiennent l'attention. J'arrive tout auréolé d'une réputation qui m'est faite par la presse, je dois le dire. Jugez-moi sur les actes et sur les paroles. Pour le grand public, en effet, le nouveau ministre de l'économie est un novice en politique. En réalité, ancien banquier, il travaille étroitement depuis 3 ans avec l'équipe du président. Après avoir planché pendant 3 ans également sur l'élaboration d'un programme économique, Emmanuel Macron abandonne son salaire mirobolant pour devenir, à la demande du nouveau chef de l'État, secrétaire général adjoint du cabinet présidentiel. Hyperactif, curieux, il développe son réseau et impressionne son entourage, y compris son mentor, qui lui offre le ministère de l'économie, mais pas des finances, comme il le souhaitait, faut pas trop demander non plus. 6 mois plus tard, Emmanuel Macron semble avoir trouvé ses marques. Il vient de faire passer une loi qui porte son nom, quoique ayant eu recours au 49-3, et il est même persuadé qu'il héritera d'un second ministère, celui du travail, laissé vacant par François Rebsamen. On a dit, faut pas trop en demander. C'est donc non. Alors, dans son coin, Macron rumine sa frustration et prépare déjà sa revanche à l'insu du chef de l'État, dont l'agenda se retrouve brusquement bouleversé par un drame d'une ampleur sans précédent. La mi-temps du match de football France-Allemagne n'est pas encore sifflée. 2 explosions autour du Stade de France, 2 kamikazes se sont fait sauter. Paris s'installe dans une nuit de terreur jusque dans le centre de la capitale. Dans le quartier très animé de Bastille République, les terrasses de ce quartier à la mode sont bondées. Une fusillade devant un restaurant asiatique rue Alibert, 14 morts. 7 minutes plus tard, une pizzeria dans le 11e arrondissement, 5 morts. Plus loin, des témoins entendent des tirs nourris pendant plusieurs minutes. Rue de Charonne, il y aura 18 morts. Mais l'équipée sauvage des terroristes n'est pas terminée. Les policiers perdent leur trace. Ils la retrouvent dans une salle de spectacle. C'est le Bataclan. Hier, on joue à guichet fermé près de 1500 personnes. Les terroristes ouvrent le feu à l'intérieur. Nouvelle tragédie, près d'1 an après les attentats de la rédaction de Charlie Hebdo. Mais si en janvier 2015, François Hollande avait réussi à renforcer l'unité du pays à l'occasion d'une marche mémorable, les attentats du 13 novembre, en plus de secouer profondément le chef de l'État et son gouvernement, s'apprêtent à engendrer une nouvelle fracture au sein de l'équipe dirigeante sur le sujet de la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux. Mesure qui pousse Christiane Taubira, alors garde des Sceaux et emblème de la gauche progressiste, à démissionner. 11 février 2016, après une défaite cinglante aux élections régionales, François Hollande envisage un nouveau remaniement, le troisième depuis le début de son mandat. À l'oreille, on lui glisse qu'Emmanuel Macron est disponible pour Matignon. À nouveau, le président refuse. Non pas parce qu'il se méfie du jeune ambitieux, mais il y a Manuel Valls qui, avec ses coups de menton, genre la gauche elle aussi est énergique, compense l'image de François Hollande, qui à son corps défendant semble véhiculer dans son style tous les poncifs dont la droite affuble la gauche depuis la nuit des temps. En mars 2016, Emmanuel Macron annonce qu'il souhaite créer un mouvement. Pas un nouveau parti, non, plutôt un réseau qui permette de faire jaillir de nouvelles idées et d'élargir la majorité vers le centre, comme il dit. Convaincu que la droite l'emportera à la présidentielle et loin de soupçonner les alliances déjà tissées par le ministre avec d'autres personnalités politiques, François Hollande salue l'initiative d'Emmanuel Macron et retourne vaquer à ses occupations. 5 mois plus tard, le 12 juillet 2016, Emmanuel Macron tombe le masque à la Maison de la Mutualité, ouvrant le premier chapitre de nouvelle saga qu'on pourrait intituler « L'impétrant et l'empêtré ». Ils sont 3000 debout, la salle est comble et tous scandent « Macron président ». Si ce soir Emmanuel Macron a d'abord remercié François Hollande de l'avoir nommé au gouvernement, sa loyauté s'est arrêtée là. Face aux marcheurs de son mouvement, il a clairement tenu un discours d'émancipation vis-à-vis de l'exécutif. Son mouvement En Marche, il veut l'emmener jusqu'à la victoire. Ce mouvement, parce que c'est le mouvement de l'espoir et que notre pays en a besoin, ce mouvement, nous le porterons ensemble jusqu'en 2017 et jusqu'à la victoire. Macron s'égosille et le président s'étrangle. Mais dans l'opinion, on s'interroge. François Hollande n'a-t-il vraiment rien vu venir ? En vérité, s'il a longtemps cru en la sincérité de son protégé, il n'a découvert son véritable projet que quelques jours plus tôt, et encore, au hasard d'une conversation. Humilié, blessé, et souffrant d'une impopularité abyssale, François Hollande se raccroche à un espoir. La sortie du livre de Gérard Davet de Fabrice Lhomme, deux journalistes du Monde, à qui il s'est régulièrement confié tout au long de son mandat, et avec lesquels il a même, au fil des mois, noué une relation d'amitié. C'est l'occasion rêvée de mettre en perspective son action et de redorer son image. En France, un nouveau livre de confidences, souvent sans filtre, de François Hollande. Un président ne devrait pas dire ça, c'est le titre de cet ouvrage de deux journalistes du Monde et qui provoque déjà beaucoup de réactions. Jeff Wittenberg, Vincent Bouffartine. Langue de bois, proscrite, conseiller, restez à la porte. Ce livre annonce la couleur, c'est du François Hollande dans le texte, sans filtre, que l'on va découvrir dans la dernière ligne droite de son quinquennat. Et les surprises abondent. Tout d'abord sur l'immigration, loin du discours habituel de la gauche. Je pense qu'il y a trop d'arrivées d'immigration qui ne devraient pas être là. François Hollande évoque les affaires judiciaires, notamment celles qui visent Nicolas Sarkozy. Et là encore, le propos sur la justice étonne. Cette institution qui est une institution de lâcheté, parce que c'est quand même ça, tous ces procureurs, tous ces hauts magistrats, on se planque, on joue les vertueux, on n'aime pas le politique. Nicolas Sarkozy qu'il n'aime décidément pas, et qu'il évoque à travers les révélations de Patrick Buisson. Elles vont révéler ce qu'est ce type, sa grossièreté, sa méchanceté, son cynisme. Si à gauche, certains déplorent un exercice de transparence maladroit, d'autres, directement visés dans le livre, ne peuvent que s'en offusquer. À commencer par Jean-Marc Ayrault, présenté comme un premier ministre tellement loyal qu'il en est inaudible. Mais aussi Claude Bartolone, qui, selon le président, n'a pas l'envergure. Ou encore Najat Vallaud-Belkacem, très forte en langue de bois et qui, selon ses dires, n'est pas un intellectuel. À quelques mois de la présidentielle, François Hollande se met à dos tous ses soutiens, y compris le premier ministre Manuel Valls, qui déjà menace de se présenter contre lui à la présidentielle. À la fin du mois de novembre, alors que la plupart des conseillers ont pris le large, François Hollande, penché à sa table de travail, son feutre bleu à la main, trace une ligne verticale sur une feuille. D'un côté, les avantages, de l'autre, les inconvénients. Et sans qu'il s'en aperçoive vraiment, il a déjà griffonné de noir toute la colonne des inconvénients. Celle des avantages, à droite, reste blanche. Sa décision est prise. Il va devenir à la politique française ce que Benoît XVI est à la papauté. Alors, Manuel Valls se déclare candidat à la primaire de la gauche. Et dans la foulée, Emmanuel Macron enflamme la porte de Versailles dans un hurlement mémorable. Pour fuir la mélancolie et toutes ses manœuvres politiciennes, François Hollande décide de partir sillonner le monde pendant 5 semaines, avant de sillonner la France pour un ultime au revoir. Son équipe, épuisée, peine à le suivre, mais se rend à l'évidence. Les rencontres avec les Français se sont nettement apaisées. Un paradoxe analysé quelques semaines plus tard par l'invité de l'émission du Grain à Moudre sur France Culture. Dans la tribune que j'évoquais en début d'émission, Jean-Claude Monod, vous évoquiez alors à propos de cette décision du chef de l'État, la décision de Hollande lui a conféré une certaine dignité. Oui, il me semble, parce que mais en même temps ça correspond à une image relativement dégradée de la vie politique. Comme on a l'impression que les hommes politiques ne sont plus mus que par le désir de pouvoir à tout prix, le fait que quelqu'un y mette, disons, une limite, dise je ne vais pas m'humilier, je ne vais pas y aller, aller dans le mur juste pour... Donc ça procurait un certain soulagement. Peut-être c'est dit qu'il allait vraiment faire perdre son camp et que d'autres avaient peut-être davantage de chance et qu'il y avait une vraie double menace, la menace de l'extrême droite et la menace d'une droite disons très dure. Bon, dans cette prise en compte d'une certaine situation et dans le fait de ne pas aspirer au pouvoir à tout prix, il y a quand même le rappel de ce que la politique peut être orientée par d'autres considérations que le pouvoir pour le pouvoir. La morale de l'histoire, finalement, c'est que si les pouvoirs accordés au président français semblent paraître excessifs, voire monarchiques, ce sont paradoxalement ces mêmes pouvoirs qui les fragilisent. Qu'y pense-t-il dans la voiture qui le raccompagne chez lui le 15 mai 2017 ? Songe-t-il au réveil brutal, le même qu'ont raconté avant lui ses prédécesseurs ? L'agenda hier encore surchargé, remplacé par la page blanche, cette liberté retrouvée qui ne tardera pas à se révéler déprimante si on n'investit pas de sens. Oui, mais que faire ? Aujourd'hui, et depuis 2017, la gauche est un canard sans tête, et François Hollande sans tête, laissant entendre depuis quelques jours qu'il pourrait y aller ou qu'il n'exclut pas de le faire, enfin quelque chose comme ça. On verra, on sera vite fixé, le scrutin est dans 68 jours. Le pouvoir n'est pas une mince affaire, et la route est si longue, à la boussole en marche arrière. Tu te perds et puis l'aventure n'a pas de ministère. Une valse à plein temps se danserait-elle de travers au soleil, oui, mais là je te revois, François, sous la pluie, sous le ciel gris de Paris. Là tu restais là, tu disais merci, même si pour toi c'était mal parti. La critique n'a pas de revolver, mais ses yeux te fusillent au moindre bruit de courant d'air. C'est cruel et puis elle se prend pour le Front populaire. Cette foule infidèle qui veut te fourguer sa colère, c'est normal, oui, mais moi je te revois, François, sous la pluie. Est-ce que tu pleures sur Paris? Seul, avec effroi et sans parapluie, les yeux blanchis. Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Quitter le pouvoir, aujourd'hui François Hollande, dont nous allons parler avec quelqu'un qui le connaît bien, c'est Serge Raffi. Bonjour. Bonjour. Journaliste, Nouvelle Obs. Alors, si vous avez écrit deux biographies de François Hollande, c'est parce que vous pensez, me semble-t-il, que son parcours est intéressant et romanesque. Oui, parce que, contrairement aux apparences, François Hollande est un homme qui a eu une vie quand même assez incroyable. Vous imaginez, je pense que c'est du niveau de House of Cards. C'est-à-dire que vous avez un personnage qui fait l'unité du Parti Socialiste, qui le rassemble tant bien que mal en 2004, qui est élu homme politique de l'année, et il fait la une du Point comme homme politique de l'année parce qu'il a su rassembler son camp, les régionales, 20 régions françaises sont maintenant socialistes. Très vite, on va voir que l'Assemblée nationale et le Sénat sont en train de monter en flèche pour le Parti Socialiste, il devient un homme très important. Et au dernier moment, on peut dire qu'il se fait piquer la vedette par sa propre épouse, la mère de ses enfants, Ségolène Royal, qui va même lui proposer à un moment donné « Je suis prêt à me retirer du jeu si tu m'épouses ». Donc on est vraiment dans un feuilleton qui n'a plus rien à voir avec la politique traditionnelle. Donc François Hollande, il est le héros d'une story infiniment plus riche et plus compliquée que celle qu'on a bien voulu nous vendre. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en accédant au pouvoir, François Hollande a surpris tout le monde, a fort rappelé quand même, on l'a dit dans le récit, mais qui repart au combat avec, en 2011, il a 3%, on ne parle que de Dominique Strauss-Kahn, évidemment, après on sait ce qui se passe, François Hollande s'engouffre dans la brèche de façon assez habile. Je me souviens qu'il est en tête dans les sondages, une fois les courbes se croisent avec Sarkozy, mais pendant 9 mois, il tient le haut du pavé. S'il fait une campagne presque tranquille. Mais parce qu'il s'est préparé de longue date. Hein. Contrairement à ce qu'on croit, il ne s'est pas préparé à la dernière minute. Hein. C'est un travail sur des années. Cette envie d'être président de la République, elle n'est pas tombée du ciel. S'il a dirigé le Parti Socialiste pendant 11 ans patron du Parti Socialiste, on ne s'imagine pas ce que ça représente de compromis, de réunions tard dans la nuit, d'essayer de convaincre tous ces gens de s'assembler alors qu'il y a des différents courants terribles. N'oubliez pas qu'il a été quand même un des protagonistes qui ont créé ce qu'on appelait à l'époque, dans les années 80-86, les transcourants, dont à l'époque Jean-Yves Le Drian, avec Delors était un peu leur figure de proue, mais ceux qui l'avaient créé, c'était Jean-Yves Le Drian en particulier, et aussi François Hollande, et aussi Jean-Pierre Mignard, etc. Ils étaient tout un groupe qui était justement déjà dans la stratégie de sortir du piège des courants. Et former la synthèse, en fait. Bien sûr, et donc François Hollande, le grand méchant mou, comme on l'appelait, effectivement, il était sans arrêt à la recherche d'un équilibre au sein du Parti Socialiste, c'est un bateau qui vacille en permanente, qui tangue tout le temps et tout son travail pendant des années, ça a été justement d'essayer de calmer le jeu et de faire que ce parti soit en ordre de bataille pour la présidentielle et de 2007 et bien sûr de 2012. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tous ceux qui l'ont affublé de surnoms, parfois cruels, même un peu drôles, mais Guimauve le Conquérant, mais cruels, vont se retrouver à marcher derrière lui quand il sera président. Je crois qu'on lui avait posé la question, peut-être vous ou un autre, sur Laurent Fabius, qui le regardait un peu de haut, et François Hollande avait dit, ben oui, maintenant, je l'ai nommé effectivement ministre des Affaires étrangères, mais il va marcher derrière moi. Et c'est quand même le petit chose. Hein. C'est Delannoy qu'on appelait le petit chose. Mais enfin, il y avait un peu cette image-là. Finalement, il les bat tous, quoi. Mais François Hollande n'est pas du tout le grand méchant mou qu'on croit. Bien sûr. Évidemment, sinon il ne serait pas arrivé à ce poste-là. Mais pour comprendre tout l'itinéraire de sa présidence et donc de son échec au bout, c'est-à-dire de renoncer à se présenter, il faut comprendre toute l'histoire du Parti Socialiste. Si on n'a pas ce paramètre-là, on ne peut rien comprendre à ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'en 2012, quand il est élu président de la République, qu'est-ce qu'il fait ? Il laisse Martine Aubry, qui était sa concurrente en 2016 à la primaire socialiste, sa concurrente qui a été très très dure, très violente, à la tête du parti socialiste, qu'elle avait repris en 2008 après un congrès de Reims terrifiant d'une violence absolue, et où elle avait commencé à dire à cette époque-là que le Parti Socialiste était mal tenu, que même jusqu'au niveau des toilettes, manquait du papier, etc., qu'elles étaient sales, enfin des choses épouvantables. Donc la guerre à l'intérieur du Parti Socialiste, elle était née et que depuis cette époque-là, et que fait François Hollande en 2012, au lieu de s'emparer complètement du pouvoir et de placer quelqu'un à lui, à la tête du Parti Socialiste, il laisse Martine Aubry parce qu'il est toujours dans sa logique du grand rassemblement. Et il va le payer, ce grand rassemblement, cette obsession chez lui de vouloir rassembler les socialistes, il va le payer très très cher parce que le Parti Socialiste va très vite se déliter. Et le fait de ne pas avoir à un moment donné tapé du poing sur la table par rapport aux frondeurs, c'est-à-dire carrément d'en avoir exclu quelques-uns et d'avoir fait des choix très durs, il a toujours été dans cette option de la gauche plurielle, c'est-à-dire au fond avec la vieille idée de Lionel Jospin de 97, cette idée formidable, l'alliance entre les communistes, les Verts et le Parti Socialiste. Quand il est à son époque, ça ne fonctionne plus. Le Parti Socialiste est tiraillé et les frondeurs naissent dans des conditions très simples. C'est qu'en fait, ils naissent au sein même de la direction du Parti Socialiste, qui est déjà, dès les premiers jours du mandat de François Hollande, contre lui, puisque c'est Martine Aubry, sa concurrente la plus féroce, qui va continuer à maintenir ça. Et donc, on va avoir, pendant ces 5 années, une guerre impitoyable entre les frondeurs et, je dirais, les loyaux, ceux qui ont gardé une certaine loyauté et qui pensaient qu'il fallait absolument... D'ailleurs, le discours que vous présentez en début d'émission sur son départ, il le dit clairement. Mon obsession, il le dit, c'est ça ne marche pas si le collectif n'est pas là. Si je renonce à me présenter, c'est parce que je n'ai pas un collectif derrière moi. Oui, par le division, il dit que par renforcer les divisions. Bien sûr. Et donc, en fait, aujourd'hui, on voit bien que, au fond, ce qu'on est en train de vivre en 2022, c'est la queue de la comète de cette histoire, c'est-à-dire la désagrégation complète du Parti Socialiste qui s'est rongé, érodé par ces divisions permanentes. Ah, ça veut dire que c'est le degré de responsabilité de François Hollande par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il est réel, mais il n'est pas le seul. On peut dire que les frondeurs ont participé à ça. Mais c'est surtout les frondeurs qui sont responsables de tout ça. Oui. Et d'ailleurs, pour vous, c'est les frondeurs. Vous citez tous ces gens qui ont quitté le gouvernement. Aujourd'hui, où sont-ils ? Ils sont nulle part. Tous ces gens qui ont... Montbourg, Hamon et compagnie. Bien sûr. Ils ont disparu de la circulation politique. Pourquoi? Parce que déjà leur posture était vouée à l'échec. Parce que si on ne se regroupe pas, si on n'est pas loyal à un moment donné à un mouvement, et ben forcément, on émiette, on divise, et on est arrivé là, à la fin de la division. La division, elle est idéologique aussi. Entre ces deux parties du Parti Socialiste irréconciliables, entre les sociaux-démocrates et les sociaux-libéraux. Il y a aussi une politique de François Hollande qui va à l'encontre du logiciel politique de ce qu'on appelle les sociaux-démocrates, Hamon, Montebourg et tous les frondeurs. Il y a ça aussi. Mais parce que quand on gouverne, on est soumis à des forces obscures, en particulier la finance. Quand il fait campagne et qu'il dit mon ennemi c'est la finance, finalement c'était une formule de campagne, mais c'est une formule qui a existé après. C'est-à-dire qu'il a fallu faire des choix. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, et vous l'avez raconté très bien dans la première partie de l'émission, c'est ce télescopage entre les prises de décision politiques et les événements people, les événements qui l'ont beaucoup abîmé. Rappelez-vous quand même qu'en janvier 2014, quand il fait sa conférence de presse pour annoncer le pacte de responsabilité, qui effectivement est un tournant vers l'idée qu'il faut absolument sauver les meubles pour retrouver de l'emploi, puisque sa stratégie de la cour du chômage, il fallait avancer et il n'avançait pas dans ce domaine. Donc le pacte de responsabilité, avec l'aide aux entreprises, etc., l'allègement des charges, elle était vraiment faite pour ça. Mais son message n'est absolument pas passé. Moi, je me souviens, j'étais présent à l'Élysée, il y avait 600 journalistes. Oui, je me souviens. 600 journalistes dans la salle de l'Élysée, dans la salle des fêtes de l'Élysée. Des journalistes qui venaient de tout le monde entier, et ils ne venaient pas pour écouter un sermon sur le pacte de responsabilité, mais il voulait savoir qu'est-ce qui se passait avec Valérie Trivaleur à l'époque. Ouais. Puisqu'on venait juste, vous l'avez raconté, l'histoire de Closer, etc. Cette photo terrible où on le voit en motard essayer de remonter à porter des croissants à sa dulcinée, etc. Ça, c'est vrai que ce télescopage permanent, parce qu'il y en aura d'autres, va forcément affaiblir son quinquennat. Ça a été une faiblesse terrible, alors qu'il était parti justement sur l'idée... Et ça aussi, vous l'avez raconté, du président normal. Oui, qu'elle n'allait pas faire d'esclandre. Une espèce de présidence à la scandinave, ouais, c'est-à-dire au fond... En plus, il crée la haute autorité de la transparence de la vie politique, de la vie publique, qui était quand même un événement considérable. Ça aussi, c'est passé à la trappe, alors que c'était le signe que le temps de la corruption, des magouilles, etc., était derrière nous. Tout ça n'a pas été vu tellement. Ça n'a pas été imprimé, parce que c'était pollué par des choses annexes de la vie privée, effectivement. On va se retrouver dans 3 minutes, Serge Raffi, après avoir écouté Cannibal, Life is Dead. Thank you. Doublement biographe de François Hollande. Et puis un troisième livre dont on va parler tout à l'heure, je me suis pris un peu les pieds dans le tapis pour vos livres tout à l'heure, je m'en excuse. Vous ne perdez rien pour attendre, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle Moi, l'homme qui rit, on va y revenir. Mais en attendant, c'était un peu l'homme qui pleure quand même, quand il a prononcé ce discours, c'était poignant, le discours qui dit voilà, je ne peux pas me représenter, c'était poignant. Alors c'était juste après la publication de ce livre, un président ne peut pas dire ça. Comment quel regard vous portez sur cet événement-là qui a pesé lourd, hein? Et bien sûr, il a pesé lourd parce que, comment dirais-je, la séquence n'était absolument pas prévue comme ça, dans la tête de François Hollande. Ce livre ne devait sortir qu'après 2017, après l'élection présidentielle. Donc je ne sais pas quel est l'accord, quel est le contrat qu'il y a eu entre le président de la République de l'époque, dont François Hollande, et les journalistes. Je pense qu'il y a dû y avoir des malentendus, des incompréhensions, mais François Hollande ne s'attendait pas du tout à ce que le bouquin sorte à ce moment-là. Et donc effectivement, sans doute aussi, il ne s'attendait pas à ce que le off soit aussi présent. Mais ça aussi, c'est le problème des hommes politiques au sommet, qui se croient tellement puissants et tellement plus intelligents que les autres, qu'il arrivera à contrôler tout ça. Or, non, on ne contrôle pas ce genre de journalistes. Gérard Davet et Fabrice Lhomme sont de très grands journalistes pour qui j'ai énormément de respect. Mais ceci dit, leur livre, effectivement, est dévastateur, puisqu'il raconte de l'intérieur des choses incroyables. Des choses incroyables, en particulier, par exemple, moi, la chose qui m'a le plus surpris, c'est évidemment le dévoilement du plan d'attaque des Français sur la Syrie. Oui. Et ça, pardon, mais c'est quand même très grave. C'est la base. Et donc ça, je me souviens, même certains, je pense que François, à l'époque, Jean-Yves Le Drian, qui était ministre de la Défense, l'avait très très mal vécu, cette séquence-là. Parce que pour lui, c'était un signe quand même d'une faiblesse de la présidence de la République, de lâcher de ce genre d'informations. Mais c'était à l'époque une manière, justement, de montrer à ces journalistes, et par ricochet au peuple français, que François Hollande n'était pas un mou, ce qui est le cas d'ailleurs, parce qu'on a un peu oublié qu'au Mali, sur demande de la présidence malienne, en 2013, quand on lance l'opération Serval, qui deviendra l'opération Barkhane, ce sont les Maliens qui nous demandent de venir, c'est pas nous qui sommes allés directement, qui avons envahi le Mali, je sais pas dans quel esprit de colonisation, de néocolonisation, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et là, il a fait preuve, effectivement, de fermeté, de capacité de décision, etc. Sur ces questions-là, il est beaucoup plus ferme que d'autres. Donc c'est cette espèce de paradoxe dans lequel on est en permanence, où on a l'image d'un homme, je dirais à la Henri Queuil, radical socialiste, bon bougre, bien rond, qui sait arrondir en permanence les angles avec tout le monde, et qui par moments, sur certaines questions, il va très vite. Il est même parfois, il peut être très violent, il faut pas croire que... Dur même avec ses anciens hussards, tous n'ont pas été récompensés, hein. la technique de François Hollande, contrairement à Nicolas Sarkozy qu'on présente comme un brutal, Nicolas Sarkozy est un affectif. Mmh. Il ne tue jamais vraiment les anciens. On l'a vu au débat, pardon, vous coupez. Le débat d'entre deux tours, c'était vraiment ça. On a un Hollande qui est très très dur. Bien sûr. Cette anaphore, elle est cruelle, elle est dure. Et Nicolas Sarkozy est en position de fragilité. 40 ans de vie politique, François Hollande. 40 ans de labour sur le terrain, mmh, de combats politiques qui lui ont tanné le cuir. Il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est un rhinocéros. Et d'ailleurs, il n'est certainement pas encore mort. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, justement, on découvre que François Hollande a une manière très particulière d'oublier ses amis. Moi, j'ai une image, je dis que Nicolas Sarkozy ne sait pas, justement, se séparer, oui, de ses amis, de ceux qui l'ont aidé à gravir les marches. Ce qui peut mettre en position de faiblesse, parfois, mais oui. François Hollande, ça fonctionne pas comme ça. C'est quelqu'un qui est dans un train et qui regarde ses amis qui sont derrière lui. À un moment donné, ses amis tombent du train et il dit simplement « Ah tiens, il est parti ». Alors dans le train, il y remonte, apparemment. Donc il a dit le 24 janvier, c'est tout récent, hein, devant des lycéens, un ancien président, il dit, peut très bien faire de la politique et être candidat à l'élection présidentielle. C'est arrivé, je vais bientôt prendre la parole. Alors personne n'y croit, personne n'imagine qu'il puisse se présenter à la présidentielle, mais il me semble qu'il y a un indiscret dans le Nouvel Obs demain là-dessus, non? Oui, je dirais que, François Hollande n'a jamais vécu que de la politique. C'est un homme politique dans toutes les pores de sa peau, il ne sait rien faire d'autre, c'est sa vie, et donc, on le voit bien, il continue à être là, il aurait pu partir à la pêche, écrire des romans d'aventure, je ne sais quoi. Non, non, il continue à suivre l'actualité politique, à rencontrer ses amis, ça continue, et donc il y a cette espèce de rumeur, à mon avis, totalement infondée, parce qu'il est trop lucide, d'une candidature à la présidence de la République par rapport au fiasco de la gauche actuelle. Par contre, en revanche, rien ne dit qu'il ne sera pas candidat aux législatives pour reprendre à la base. Et il y a une rumeur, elle est effectivement dans le Nouvel Observateur qui va sortir ces jours-ci, sur le fait que François Hollande a déjà fait réserver par la direction du Parti Socialiste, il reste fidèle à sa famille politique, la circonscription de Corrèze dans laquelle il a été élu si souvent, la fameuse première circonscription, oui, de Tulle, la ville où il a été maire, donc il continue à avoir une popularité énorme. Or, il faudra à un moment donné que le Parti Socialiste, pour ne pas mourir, fasse un peu la courte échelle à ses éléphants qu'il a un peu négligés ces dernières années, pour que quelques circonscriptions soient gagnées par le Parti Socialiste. On est dans une espèce d'opération sauf qui peut par le Parti Socialiste, et des gens comme François Hollande peuvent les aider. Et il a compris que c'était possible et qu'il y avait un espace à conquérir, donc il va continuer, à mon sens, si ça se trouve, il va me contredire, mais je ne crois pas, à faire de la politique, mais simplement, il va redémarrer à la base, c'est-à-dire un homme politique pas tout à fait normal, mais un peu quand même. Un peu quand même, décidément, la normalité. Toute dernière question, on a 40 secondes. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Moi, l'homme qui rit ». Parlez-moi un peu de ce livre. C'est un livre où je me mets dans la tête de François Hollande, parce que son « Moi, l'homme qui rit », c'est bien sûr en liaison avec le livre, le roman... culte de Victor Hugo, l'homme qui rit, ce fameux garçon qui a un sourire barré sur le visage qui n'est qu'une grimace, et au fait on ne sait jamais quels sont ses sentiments. François Hollande, c'est un peu ça, il rit tout le temps, il a ce rire bonhomme qui est en fait un masque lui aussi, donc moi je suis allé à travers ce masque, j'ai essayé de me mettre dans sa tête, et donc pour sortir de ce piège de son sourire permanent. Moi, l'homme qui rit, c'était chez Flammarion. Hein. Merci. Absolument. Infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Merci, au revoir. Affaires sensibles aujourd'hui, quitter le pouvoir, François Hollande, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr, à la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos. À suivre sur France Inter, pop, Antoine Decaune, bonjour Antoine. Bonjour bon Fabrice, ah, mon cher Fabrice, oui. Nous allons parler aujourd'hui avec Léa Drucker et Jade Springer d'un film qui s'appelle Petite Solange, c'est le nouveau film d'Axel Repère. C'est un film qui est délicat, comme vos affaires sont sensibles. Oh merci, c'est dit avec beaucoup de gourmandise tout Mais ça. Oui, hein, vous me connaissez. Bien, à tout de suite, merci.